La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Bon. 15h03, on commence. Ça y est, on a commencé. Ça y est. Bon. Donc c'est la huitième, troisième. Et une fois n'est pas coutume, donc je vais vous épargner le résumé des épisodes précédents. Et parce qu'on va écouter un passage aussi un peu plus court de Lacan d'abord. Et ce passage est essentiel, puisque il se dit beaucoup de choses en très peu de temps et des choses très importantes pour ce qu'il en est de la psychanalyse aujourd'hui, notamment la formidable incompréhension qu'elle génère dans les confusions, notamment avec la psychologie et la psychothérapie. Donc là c'est très clair, vous allez voir. Et puis donc ce registre là, le registre de l'inconscient, donc il y a un seul inconscient bien sûr, il n'y a pas deux inconscients, un inconscient réel, je ne sais pas quoi, c'est très clair là-dessus. Et aussi la différence qu'il y a entre la parole en tant que parole, hein, une parole ce n'est pas une leçon, hein, c'est une parole avec la contingence de la parole, et la psychanalyse est vraiment une discipline de la parole. Donc on va écouter Lacan tout de suite justement. Troisième, je la lis. Quand vous pouvez vous souvenir, peut-être que la première qui y revient, j'avais cru devoir y mettre ma parlance, puisqu'on l'a imprimée depuis. C'est sous prétexte que vous en aviez tous le texte distribué. Et aujourd'hui, je ne fais cours de Rome. J'espère que ça ne vous fait pas trop obstacle à entendre ce que je lis. Si elle est trop, je m'excuse. La première donc, celle qui revient pour qu'elle ne cesse pas de s'écrire, nécessaire, la première fonction et champ. J'ai dit ce qu'il fallait dire. L'interprétation et j'ai mis n'est pas interprétation de sens. Mais je sur l'équivoque. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur le signifiant dans la langue. Je l'ai désigné de l'instance de la lettre. Ce pour me faire entendre de votre peu de stoïcisme. Le résulte, ai-je ajouté depuis sans plus d'effet, que c'est la langue dont s'opère l'interprétation, ce qui n'empêche pas que l'inconscient soit structuré comme un langage. Un de ces langages dont justement c'est l'affaire des linguistes de faire croire que la langue est animée. La grammaire, qu'ils appellent ça généralement, ou quand c'est Yemslef, la forme. Ça va pas tout seul. Même si quelqu'un qui m'en doit le frayage a mis l'accent sur la grammatologie. Oui. Bon. La langue, c'est ce qui permet que le vœu, souhait, on considère que c'est pas par hasard que ce soit

région extrêmement complexe de ce dernier enseignement, comme on le dit, de Lacan. Alors, la première citation, vous venez de l'entendre, c'est de la langue dont s'opère l'interprétation, ce qui n'empêche pas que l'inconscient soit structuré comme un langage. Là, c'est la première citation. Et l'interprétation, évidemment, Lacan l'illustre comme jouant de l'équivoque. Et c'est pour ça qu'il montre que dans la langue, il y a des équivoques qui se véhiculent et qui nous prennent et qui sont constitutifs de notre inconscient. La langue, effectivement, est définie par lui parce qu'il l'écrit en un seul mot. C'est ça qui est très important, c'est du nouveau. C'est même à la limite le nouveau qui va amener pour lui, on peut le dire, la ruine de la linguistique, en gros. La réponse à Chomsky, qui parle de la grammaire générative, pour dire qu'au fond, si le langage est la condition de l'inconscient, l'inconscient est la condition de la linguistique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer dans la linguistique, sauf à l'université, bien sûr, si on ne tient pas compte, justement, de cette notion de la langue chez Lacan. Ça, c'est tout à fait important. Donc, première citation, c'est ça, hein. C'est de la langue dont s'opère l'interprétation, ce qui n'empêche pas que l'inconscient soit structuré comme un langage. Et autre citation un tout petit peu plus bas, qui reprend un peu les mêmes termes, ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage, que la langue, en un seul mot, n'est pas à jouer contre son jouir, puisqu'elle s'est faite de se jouir même. Alors ça, c'est aussi une phrase très importante. Il faut déjà saisir, à mon sens d'abord, que la langue, c'est écrite en un seul mot, c'est en tant qu'elle est parlée que se constitue, comme effet, l'inconscient structuré comme un langage. Alors, cet axiome a été produit par Lacan quasiment au début de son enseignement, et c'est avec ça qu'il reprend ça, ce qu'il appelle son retour au sens originaire de ce que dit Freud. Et bien entendu, on répète ça à l'envi, l'inconscient est structuré comme un langage, tout le monde dit ça, mais on ne se rend pas compte que c'est un pléonasme de le dire, puisque par définition, l'inconscient, c'est la structure incorporée de langage. Et qu'il se détermine justement d'une langue parlée, de la langue parlée. Laquelle, la langue, comme il en parle, n'est pas une structure, mais elle est constituée de signifiants qui sont dans le réel et qui font pas chaîne. Ça vient du dehors, en gros. On peut dire ça comme ça. Je vais le montrer un peu plus loin. Et c'est parce qu'elle fait une rencontre d'une contingence corporelle, c'est-à-dire avec un corps vivant de l'être humain, que cette structure réelle qui se constitue, nous l'appelons l'inconscient, et s'il n'y avait pas ce nouage originaire, qui est effectivement relativement énigmatique, s'il n'y avait pas ce nouage originaire entre le corps et la langue, eh bien, les signifiants de la langue resteraient dispersés dans le réel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de structure, en gros. Ça, c'est un point qui est très facile à comprendre, en tout cas, à entendre. Au fond, c'est une expérience pour chacun, le corps s'est fait pour jouir. Et il est à prendre comme une substance jouissante, d'abord. D'où se pose, effectivement, comme question, ce que veut dire le mystère du corps parlant. C'est quand même une énigme, on ne sait pas pourquoi l'homme est la seule espèce animale parlante, d'où vient le langage. On ne peut émettre que certaines hypothèses du style, il est possible qu'à un moment donné, il y a eu accumulation d'un certain nombre de signifiants qui ont constitué un langage. Alors Lacan, il va même un peu plus loin que ça. Il dit que peut-être que l'homme du Néandertal, contrairement à l'Homo sapiens, mais pourtant ils ont été contemporains, il est probable que l'homme du Néandertal, il lui manquait quelques signifiants qui se traduisent chez lui d'une façon phénoménologiquement observable. C'est que s'il recouvrait ses cadavres de terre, il n'y avait pas chez lui de rituel funéraire, c'était pas des tombes comme ça pouvait se passer pour l'Homo sapiens. Et ça, c'est un signe caractéristique que là, le langage est constitué chez l'Homo sapiens et qu'il a exactement la même constitution subjective que la nôtre. Peut-être pas les mêmes connaissances, mais du point de vue de son savoir inconscient, il est absolument comme nous. Simplement, il a des connaissances différentes. Ça, c'est tout à fait important. Alors, je peux continuer un peu comme ça, hein ? Si tu veux. La primarité de la jouissance du corps propre dans sa présence animale, donc d'une autre, hein, on peut dire que ça se manifeste comme une palpitation de la vie, et ça s'observe très bien chez le nouveau-né. Hein. Il est là avec ses trémulations, avec sa façon d'aborder la vie, comme il se manifeste, il la manifeste par sa voracité en particulier, par ses mimiques, par sa voracité dans la tétée, par ses mimiques, par la satiété qu'il en éprouve de sa tétée. Et lorsqu'il est en excès, quand elle est en excès, cette espèce de jouissance primaire du corps, par ses cris, dès son réveil d'ailleurs, hein. Ce qui permet de comprendre aussi, c'est que ce qui se passe là, c'est que dans le corps à corps entre la mère et l'enfant, ça c'est indéniable qu'il y a un corps à corps, il y a aussi un échange de paroles, tout de suite, même avant qu'il soit né l'enfant. Il y a des paroles qui sont prononcées par ses parents sur le devenir et qui auront un impact sur le devenir de cet enfant, d'autant plus que cette parole véhicule des signifiants que les parents répéteront au cours de la vie et qu'il entendra, et ça sera constitutif de ce qu'il aura son inconscient. Alors l'échange de paroles, on l'entend bien du côté de la mère, mais du côté de l'enfant, sa lallation comme ça, son babil, c'est déjà de la parole. Et chez l'être humain, il n'y a pas de préverbal. Il y a un prédiscursif, si vous voulez, mais il n'y a pas de préverbal. C'est déjà du registre de la parole, et la mère ne s'y trompe pas, et quand vous avez affaire à des nourrissons, vous savez très bien que ça se passe comme ça, pratiquement dans les heures qui suivent, au moins dans la journée ou dans les premiers jours, tout de suite, il est intéressé, il regarde les visages, il est intéressé par le réel qui l'entoure, et il entend des choses qui lui sont déjà dites. Et il répondra justement par ses mimiques. À la différence, finalement, des autres animaux. Hein. Ce babil, cette lallation, la mère l'encourage, bien sûr, elle le ponctue, elle lui donne un sens. Et effectivement, c'est comme ça que petit à petit, l'enfant, il finit par apprendre justement à parler. Ça va devenir ce qu'on appelle originairement la langue maternelle. La langue maternelle proprement dite, elle précède ce qu'on va appeler comme les différentes langues parlées dans les différents pays. Elle est quasiment, Jacobson l'explique au niveau phonologique, elle est quasiment universelle, cette matrice de la langue originaire. Et en même temps, elle a comme fonction précisément d'exprimer, ou en tout cas de faire apparaître, cette dimension du langage déjà là, qui lui vient du réel et qu'il reçoit du réel. C'est là que ça s'accroche pour lui. Alors, là, il faut que je trouve comme ça. Peut-être on peut revenir un peu aussi sur Pour revenir au texte, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'arrêter là, quand même. Je reprendrai un peu plus tard. Je vais simplement dire, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a du parler, il y a de la langue parlée, et elle détermine, parce que la langue, justement, elle vient coloniser le corps, comme l'utilise ce terme Lacan, elle vient même civiliser sa jouissance, puisque au fond, civiliser, ça veut dire à la fois la tamponner, et en même temps, en faire quelque chose qui s'échange dans la parole avec la mère. C'est en ce sens-là qu'il socialise une jouissance qui, à l'origine, serait purement autistique. Hein ? C'est comme ça que je vais l'entendre. Alors, je me paume dans mon truc. Bon, alors, si tu veux, je reprends là-dessus. Parce que ce qui me parle vraiment, là, pour faire le lien, donc, la langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage. Donc ça, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. On dit des langues vivantes par rapport aux langues mortes, etc. Tout ça, ce sont des catégories d'une raison qui n'a pas du tout cours dans l'inconscient. La langue n'est pas vivante. C'est au contraire du bois mort, comme il le dit un peu plus loin. C'est-à-dire que ça repose dans la langue elle-même et c'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Et là, on est sur une articulation majeure. C'est la différence qu'il y a entre le signe et le signifiant. Alors là, on a, si vous vous rappelez un peu en amont dans le début de la conférence, il dit, parlant de l'idéalisme amant, ils en étaient à attendre des signes de l'au-delà. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est tout simplement le fait que le réel est encore accroché au signifiant. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le réel, et ça signifie quelque chose pour moi. Donc on attend une réponse du réel. On peut dire que dans une communication, par exemple, une communication, c'est un malentendu réussi, parce qu'il n'y a pas de communication, comme vous savez, hein, rappelez-vous Lacan à Louvain, sauf si c'est sous l'angle d'être un malentendu qui réussit, c'est-à-dire il y a un bout de réel qui revient. Dans le cadre de cette définition de l'inconscient structuré comme un langage, Lacan définit le signifiant par rapport au signe, justement. C'est-à-dire que la psychanalyse n'a qu'une fonction au départ, c'est de saper cette notion de signe. C'est-à-dire le signe du réel, de voir des signes du réel partout, comme on voit des signes cosmologiques, c'est le signe de ça, c'est le signe de ça, etc. On sape ça parce qu'il faut ramener le signifiant à sa pure contingence formelle. C'est-à-dire qu'il y a une surdétermination du signifiant, puisque le signifiant lui-même ne se définit que par son articulation, c'est-à-dire sa pure différentialité avec un autre signifiant. Il ne renvoie pas, a priori, au référent réel. Et c'est là où on ramène donc la possibilité, dans ce séminaire encore, il ramène la notion de signe. Alors, bien sûr, on écarte tout de suite la possibilité d'une régression théorique chez Lacan, puisque ce n'est absolument pas le cas, mais ça lui permet de réaccrocher d'un seul coup la notion de l'être, parce qu'il faut qu'on comprenne quand même l'objet petit a, parce qu'on parle là de jouissance, etc. Et la notion de l'être, c'est la lettre elle-même, mais homophoniquement, c'est l'être aussi, qui est une lettre encore imprégnée de jouissance. Donc c'est ça l'objet dont il n'y a pas d'idée. C'est parce que ce n'est pas un objet du monde matériel. C'est une lettre qui est encore toute imprégnée de jouissance, donc qui ne fait pas chaîne avec la chaîne signifiante, qui en est détachée de la chaîne signifiante. Voilà. C'est des uns jouissance. Voilà. Donc c'est là où on va revenir sur l'articulation majeure, puisqu'il va remettre le corps. C'est quand même une phrase. Le sujet supposé savoir, qui est l'analyste, parce qu'il y a beaucoup qui se prétendent analystes, mais supposez savoir quoi ? Donc, que dans le transfert, il n'est pas supposé à tort, s'il sait en quoi consiste l'inconscient d'être un savoir qui s'articule de la langue. Voilà. Première définition. Le corps qui la parle n'y étant noué que par le réel dont il se jouit. Voilà. Ça, rien que sur cette phrase-là, il y a toute la psychanalyse là-dedans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous avez tout là-dedans. Vous avez la parole, la langue, le corps, la position de l'analyste en tant que celui qui est supposé savoir, donc à la place de l'objet petit a. Parce que sinon, Il ne peut pas y avoir de sujet divisé en face. Donc aujourd'hui, quand vous entendez des psychanalystes qui font des interprétations sauvages d'hommes politiques, qui confondent la psychanalyse avec la psychologie, avec la psychothérapie, etc., tout ça, on ne peut pas être plus éloigné de ce qu'il en est de la psychanalyse, puisque on le voit avec cette notion de signe. Dans un premier temps, c'est la contingence de la parole qui prime. Donc on revient sur la différence entre le signe et le signifiant. Et ensuite, on récupère la notion de signe, mais cette fois pour la lettre elle-même, pour définir ce qui va faire le pont avec la jouissance, l'objet petit a. Alors reviens alors, sur mon nourrisson, parce qu'au moins tout le monde peut en avoir un peu l'expérience. C'est que quand je disais qu'à partir de sa lalation, la mère lui répond, et que c'est une sorte de dialogue entre eux, on peut le dire, c'est pas seulement un corps à corps des besoins du corps, c'est aussi l'enfant, on peut dire, il est dans un bain de langage. Il est imprégné par ce qu'il entend. Parce que quand la mère lui répond, justement, au niveau du babil et du parler bébé, en gros, hein, c'est que ce que l'enfant entend d'abord, avant que ça prenne du sens, c'est qu'il écoute plutôt ce qui est de l'ordre de la modulation de la voix et éventuellement de la sonorité de ce qu'il entend. C'est ça qui a un effet de jouissance qu'il manifeste de façon tout à fait évidente, et c'est ça qui est nommé, la bien nommée langue maternelle originaire. Voilà, c'est ça. Autrement dit, vous voyez, il n'apprend pas la langue, il en use. Et c'est comme ça qu'il va rentrer, justement, dans ce qui va devenir la langue comme étant, disons, l'idiome de sa contrée à travers les interventions que font les adultes qui sont autour de lui et qui lui parlent. Et on voit très bien qu'il s'agit là, et c'est là qu'on comprend bien la chose, c'est que la langue, malgré l'énigme de ce que représente l'origine du langage, elle apparaît comme ce qui est prélevé sur la jouissance originaire du corps, parce qu'elle a un double fonction sur le corps, parce que d'une part elle plonge ses racines profondément dans le corps, en même temps elle interdit certaines modalités de jouissance et en même temps elle en apporte une nouvelle, hein, ça bouge de ce côté là et c'est pour ça que tu parlais du signe, hein. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Donc la langue, elle se constitue à partir, justement, elle relève de la jouissance corporelle. C'est-à-dire c'est la seule jouissance qui est possible, en fait, hein, puisque, comme on l'a vu depuis le début, dans le choix forcé entre le sujet et l'être, comme l'être est du côté de la jouissance, l'être est perdu, définitivement. Donc il reste cet îlot de jouissance qui ne peut se reconstruire qu'après coup, c'est la logique rétroactive du signifiant, et cette lettre-là, elle est encore imprégnée de la jouissance. Donc, lettre, on n'y accède plus autrement que par la parole. Alors, on reproche assez à Lacan d'avoir limité le monde des objets à rien. Hein, il n'y a plus que les interactions du sujet avec le langage. Alors, Lacan, bien sûr, il va encore plus loin que ça. Il dit, non seulement le grand autre, donc l'ordre du langage, n'existe pas non plus, mais le sujet lui-même n'existe pas. Donc, comme ça met tout le monde d'accord. Hein. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'objet, mais il n'y a pas de grand autre et il n'y a pas de sujet. Alors, qu'est-ce qui existe ? Ben, ce qui existe, c'est simple, c'est le symptôme. C'est la seule chose qui existe. Et donc là, si on retrace le parcours du symptôme à travers l'œuvre de Lacan, eh bien, on va comprendre le rapport du symptôme au fantasme, le passage du symptôme au fantasme et ensuite du fantasme au symptôme, hein, puisque le symptôme, c'est effectivement ce qui n'est plus éliminable. Alors, la psychanalyse, au départ, c'est un exercice d'interprétation. Alors, heureusement qu'il rappelle là aussi que c'est pas c'est ta grand-mère, il s'est passé ça, il s'est passé ça, puisque ce n'est que sur l'équivoque du signifiant que porte l'interprétation. C'est pas ramener du sens comme si c'était des signes, puisqu'on est dans le signifiant. On coupe les signes, on enlève tout ça, tout cet obscurantisme là de ramener des trucs, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut rien dire du tout. Voilà, il y a personne qui est capable d'interpréter, je sais pas, une déclaration de François Hollande psychanalytiquement ou un tableau de Vallotton psychanalytiquement, ça ne veut rien dire. Ça, c'est l'obscurantisme absolu. La psychanalyse, ce n'est pas ça. La psychanalyse, c'est de l'ordre du signifiant, c'est pas de l'ordre du signe. Le signe n'intervient que dans ce raccord-là d'objectita. Donc, on le comprend, ça, avec le symptôme. Donc, le symptôme, au départ, dans le travail de Lacan, dès le départ, c'est le message qui n'arrive pas à se dire. Donc, il est de l'ordre du langage. Il est inscrit dans le symbolique, c'est-à-dire que le symptôme est adressé. Il est adressé au grand autre. En analyse, le symptôme est adressé au psychanalyste lui-même, qui est censé l'interpréter et le résoudre. Le problème, c'est que il ne se résout pas forcément, et en tout cas, il ne se résout pas jusqu'au bout. Alors pourquoi ? La réponse de Lacan, c'est parce qu'il y a de la jouissance. Il y a de la jouissance dans le symptôme. Donc, il n'y a pas que, ce n'est pas qu'un nœud symbolique. Ce n'est pas un nœud de signification. Voilà. Il y a cette jouissance-là. Alors, cette jouissance, bien sûr, elle amène à la considération du fantasme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient boucher le trou dans l'autre, c'est-à-dire faire en sorte que le sujet puisse accepter l'absence du grand autre, le trou qu'il y a dans l'autre, c'est le fantasme. Ce fantasme-là, il permet de saisir d'où vient la jouissance. Mais il est en soi inaccessible, ce fantasme-là. En tout cas, au sujet lui-même, parce que sinon il ne pourrait pas être là. Donc, le passage se fait du symptôme au fantasme et devant l'irréductibilité du fantasme que, au fond, le sujet doit offrir à son analyste. On l'a vu la dernière fois avec l'offrande du silence des agneaux. Donc, il reste une seule chose, c'est-à-dire le symptôme lui-même, c'est-à-dire un ensemble de traits qui constituent le reste du sujet qu'on se retrouve dans cette fameuse déclaration des Trimurti indiennes, tu es cela, c'est-à-dire ce résidu, le bout de réel, là, qui fait qu'un sujet peut avoir lieu. Parce que pour qu'il y ait la possibilité d'un sujet, il faut qu'il y ait un bout de réel. C'est pour ça qu'on ramène toujours ces bouts de réel. C'est pour ça qu'il y a cette notion de signe très importante, que tout le monde attend des signes du destin, quelque chose qui se passe à l'extérieur pour dire oui, ça c'est bien, tu es en train d'être dans la bonne direction, etc. Et c'est pour ça qu'il y a autant aussi d'errance dans la compréhension des textes de Lacan, parce que quand on ramène les signes, c'est que en dehors de ce qui va permettre de comprendre l'objet petit a, on n'est plus du tout dans la psychanalyse. On est dans une sorte de psychologie, New Age, des trucs où, en fonction de ce qui va arriver, vous êtes dans la divination, quoi. D'ailleurs, ces bouts de réel, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les séances de spiritisme ou de divination. Il suffit qu'il y ait un petit bout qui corresponde à quelque chose que vous savez être vrai pour vous, d'un seul coup ça s'enclenche, et si c'était vrai, on accroche du sens derrière. Évidemment, le sens, lui, il est infini, hein, c'est sur ça que fonctionnent les religions, donc on va croire dans ces trucs-là. Non, quelque part, la psychanalyse nous opère de la croyance. C'est le principe du transfert comme sujet supposé savoir. Alors, il y a un autre point là que je vais reprendre, puisque moi j'étais plutôt branché sur l'histoire de comment se constitue l'inconscient, ouais, à partir du parasitage et de la colonisation du corps propre par le langage. C'est que du coup, l'inconscient et Lacan, donc il montre comment ça s'origine du réel, d'une jouissance du corps, toute cette affaire de la langue et du corps. Du coup, il va définir, et ça c'est des phrases qu'il faut retenir parce que ça va entraîner beaucoup de déviations par la suite chez les gens qui se recommandent de l'enseignement de Lacan. Il va dire que l'inconscient, c'est le réel, ou bien il va dire que le réel, c'est l'inconscient. Alors, vous voyez, tout de suite, c'est quand même, quand il dit une chose... Alors qu'on parle du symbolique, il dit que déjà la langue, elle est dans le réel, hein, quand même. Mais déjà de dire l'inconscient, c'est le réel, ou le réel, c'est l'inconscient, ce sont des occurrences très peu nombreuses chez lui, mais il le dit comme ça. Mais il ajoute, ce qu'oublient constamment les gens, c'est le réel dont on est affligé. Alors, qu'est-ce qui peut bien affliger le réel ? Ben, c'est les signifiants. Ben oui. C'est les signifiants qui font des effets sur le corps, qui sont ce qu'on appelle des effets d'affect. Hein ? C'est ce que dit Freud, en gros. Freud, il dit que dans les perceptions premières s'enregistrent sous forme de traces qui vont être constitutives de l'inconscient. Ça, c'est tout à fait important. Et que, de ce fait, elle mortifie, on pourrait dire, cette jouissance originaire, c'est-à-dire qu'elle l'amoindrit, et en même temps, elle opère une découpe, disons, sur l'organisme vivant, puisque c'est celui qui jouit de la palpitation de la vie. Elle découpe cet organisme en un corps qui n'est pas le corps de la biologie, qui n'est pas le corps de l'anatomie, mais que comme ça coupe, c'est déjà... On peut parler d'anatomie, puisque l'anatomie, c'est faire des coupures, d'une certaine façon, d'un corps qui est finalement constitué de zones érogènes, les plus importantes, que sont des zones érogènes qui sont des trous. Vous allez voir, je vais vous le faire entendre, ce sont des trous qui permettent, c'est des bords un peu, les zones érogènes, elles bordent des trous où se fait le passage, disons, du réel intérieur, on pourrait dire ça comme ça, c'est pas bon comme métaphore, du réel intérieur avec le réel qui est là, comme ça, qui nous entoure, enfin, on pourrait dire ça comme ça, hein. Ça fait des... on passe pas d'un bord, on est toujours sur le bord, mais on passe de l'intérieur à l'extérieur tout le temps. Ces trous, ben vous allez les entendre, ça va être par exemple l'enclos des lèvres ou de l'enclos des dents, ça va être la fente palpébrale, ça va être la conque de l'oreille, et ça va être la marge de l'anus, déjà. Ailleurs... En tout cas pour Lacan, il n'y a pas d'autre type de pulsion que ces quatre grandes pulsions. Le respire n'est pas une pulsion, parce que même s'il y a l'air qui entre et qui sort, il n'y a pas de coupure. Le respire, il est constant, c'est un rythme physiologique, ça n'a rien à voir avec la pulsion, mais évidemment, de temps en temps, on peut avoir le souffle coupé, ça peut arriver, mais ce n'est pas une pulsion. Donc, si vous voulez... Mais dans cette opération, parce que ça c'est une opération de découpage du corps à partir de l'organisme, d'un corps constitué de zones érogènes, et d'ailleurs ça peut être tout le corps qui est un corps érogène, hein. c'est pas simplement localisé, ça peut être tout le corps, mais enfin on le repère à ce niveau-là, au niveau de ces fameuses zones principales, de ces principales pulsions, et ce n'est jamais... sans un excès, qui est une perte, comme si c'était une livre de chair qu'il fallait payer pour entrer dans la machinerie du langage, que sont les objets pulsionnels. Alors, les objets pulsionnels qui, au départ, sont de contingence corporelle, mais ils ne sont pas assubstantivés. C'est-à-dire qu'au fond, on passe d'une contingence corporelle de ces objets à leur consistance logique. Pour vous le dire tout simplement, comme ça, si je peux le dire simplement, ces objets qui se produisent en excès, c'est un reste de l'opération signifiante sur le corps. Un objet qui est à la fois produit par l'intervention du signifiant sur le corps, qui vient marquer le corps, qui vient le parasiter, et en même temps qui échappe à la prise du signifiant. Donc il y a un petit peu un paradoxe comme ça. Ces objets donc, qui ne sont pas substantivés, je vais vous dire comment ça s'entend, ça veut dire qu'au fond, la voix, elle est aphonique. Donc la voix, ce n'est pas dans la sonorité que vous entendez, ni même dans le sens que vous en éprouvez de comprendre ce que je dis, même si c'est des modalités de jouissance, là, bien sûr, ça a un effet, c'est la jouissance, entendre, pas seulement jouir de la sonorité d'une parole, y compris du sens des propos, mais la voix, elle est aphonique, c'est parce qu'elle fait coupure. C'est parce qu'il y a des ponctuations dans ma parole que vous arrivez à suivre ce que je peux vous dire, par exemple. Ça, c'est comme ça, la voix. Le regard, ce n'est pas la vision. La preuve, c'est qu'on est plutôt regardé par un tableau, et on n'y voit rien, d'ailleurs, en général, c'est lui qui vous regarde. Et le monde, il est plutôt omnivoyeur qu'exhibitionniste. Donc, vous voyez, le regard, ce n'est pas substantivé non plus. C'est même souvent qu'une tache, un trou dans un... Le tableau, souvent, il est organisé autour d'un trou, d'ailleurs. Puisque c'est le peintre qui le peint. C'est lui qui, à son insu, il le fait obligatoirement. Le saint, comme on en parle comme objet petita, il n'est pas non plus à substantiver, parce que le saint, ce n'est pas la mamelle, ce n'est pas le nichon. Hein ? Et l'enfant, quand il tète sa mère, ben, en fait, quand on le regarde bien, qu'on observe, le saint, il lui appartient. C'est avec ça qu'il pompe le lait de la mère. Il faut l'entendre aussi comme ça. Donc ça ne se substantive pas. Et enfin, la merde, ben, ce n'est pas le caca, quoi. Quand on dit qu'on est emmerdé, c'est très rare qu'on soit couvert de caca, même si ça peut arriver de temps en temps. Vous voyez, voilà, ça, c'est des objets très importants, parce que ce qui va se passer dans l'opération de colonisation, de parasitage et de civilisation de la jouissance du corps, c'est quand même par ce biais-là qu'il y a une ouverture, disons, vers le réel, pour le sujet. Hein. Et il y a donc un aspect dans le signifiant qui est que il interdit la jouissance et en même temps il la sollicite, il l'organise. Le plus de jouir, après tout, c'est à la fois une perte de jouissance et en même temps un gain de jouissance supplémentaire. Voilà comment je voulais l'entendre comme ça. Hein. C'est un excès. Voilà. Alors, vous voyez, cette histoire d'inconscient, c'est le réel en tant qu'il est affligé, hein, c'est ça qui est très important, affligé par le signifiant. Donc, ça remet bien en place l'idée que, évidemment, l'inconscient, il est réel, dans sa définition de lacanienne, que l'on retrouve chez Freud d'ailleurs, comme impossible, c'est un réel, un savoir impossible à rejoindre, et qu'on ne l'attrape, finalement, dans l'analyse, que par les voies qui l'y conduisent, comme le rêve, qui est la voie royale, et bien entendu toutes les autres manifestations de l'inconscient. Mais c'est un inconscient réel, et je vous en donne juste une petite, ça c'est Lacan la définition comme ça, donc comme impossible, un savoir impossible à rejoindre, un savoir dans le réel impossible à rejoindre, dont il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que quand on parle du sujet dans la psychanalyse, c'est parce qu'on l'obtient du déchiffrage de ce savoir. C'est uniquement comme ça qu'on le trouve. Mais oui, il y a un sujet de l'inconscient. Il n'y a pas, il est pas dans inconscient la... du sujet. Voilà. Ça, c'est une absurdité, c'est justement. Ça veut dire qu'on substantive le sujet. Alors que le sujet, c'est justement ce qui ne peut pas être substantivé jamais, puisque c'est l'objet petit a qui vient représenter le sujet dans le monde des objets, et l'objet petit a lui-même, il n'y a pas d'idée. C'est-à-dire que c'est juste un élément linguistique imprégné d'une jouissance. Alors, Lacan, il va aller un petit peu plus loin. Il va finalement dire, lui, que le réel, impossible, on ne peut jamais aller dans le réel. On ne peut même pas aller vers le réel. Hein. Il dit que le seul réel, ça c'est très clair chez lui, le seul réel que nous touchons, c'est la fente dont se définit le sujet. Hein. C'est-à-dire que C'est quand même très important de dire ça, parce que c'est la fente. Hein. C'est comme les tableaux de Fontana, il fait des fentes comme ça. Et Lacan signalait ça d'une façon tout à fait... C'est bien connu que c'est souvent les femmes qui sont sensibles à ça, quand elles se trouvent devant les plaques de cuivre que Fontana faisait, elles s'évanouissent parce qu'il y a quelque chose d'elles qui leur apparaît comme étant le réel qui surgit comme castration. Quoi. Alors, on ne peut pas rentrer dans le réel, on est toujours, c'est impossible pour un sujet. Par contre, ce qui va dans le réel, c'est la jouissance. Il y a de la jouissance dans le réel puisqu'elle est éprouvée du corps. Vous voyez la nuance ? Toute la question de la psychanalyse est de savoir si justement, dans le réel, il y a un savoir. Est-ce qu'il y a un savoir dans le réel ? Et est-ce que la psychanalyse est capable d'inventer un nouveau savoir qu'elle irait loger dans le réel ? Alors faites très attention parce que le réel, c'est un terme générique, mais il est probable que le savoir dans la science elle loge son savoir dans le réel, et je vais vous l'illustrer, pas à la même place que ce que la psychanalyse voudrait faire, c'est-à-dire en loger, inventer quelque chose de nouveau comme réel. Alors à propos de du réel comme impossible à rejoindre, c'est ce que dit Freud quand il dit que le refoulement originaire, ce qui se produit à l'origine dans la rencontre du sujet avec la chose, il rejette à l'extérieur ce qui lui déplaît et il incorpore ce qui lui plaît. C'est un moment mythique du jugement d'attribution. C'est là que va se constituer ce qu'on appelle le refoulement originaire comme étant un extérieur qui, dans le réel, et Freud le dit très clairement, il n'est jamais levé. Autrement dit, l'inconscient, qu'on le veuille ou non, on n'y a jamais accès. C'est des choses qu'il faut comprendre, ça. On a accès toujours que par le biais, ce que tu disais, du fantasme ou par le biais du symptôme. Hein. Ce sont les deux. Pourquoi ? Parce que dans le fantasme, il y a une certaine modalité de jouissance. C'est un appareil à faire du plaisir, d'ailleurs. Et dans le symptôme, il y a aussi une jouissance qui peut être effectivement douloureuse. Bon. C'est pour ça qu'on fait un peu d'humour. L'impasse de la philosophie que résout Lacan, c'est qu'elle se situe entre symptômes et fantasmes. Mais comme elle n'a pas inventé l'objet petit a et qu'elle n'en tient pas compte, elle reste coincée dans son impasse entre symptômes et fantasmes, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'incarner subjectivement la pensée et la parole, puisqu'elle se prive de l'objet qui lui permettrait de le faire. Donc une philosophie qui n'a pas intégré ce qui a été appelé pendant un certain temps l'anti-philosophie lacanienne, n'est tout simplement pas une philosophie actuelle. Elle est repoussée dans les confins d'une histoire pré-lacanienne. Lacan résout ça. Donc, mais il le résout de manière universelle, mais pas générale. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire le travail. Il n'y a pas une doxa qui peut venir vous abreuver comme ça, et puis il n'y a qu'à suivre. Non, là, c'est chacun doit redécouvrir à partir de son expérience subjective, justement, cet écart entre symptômes et fantasmes. Voilà. C'est pas autre chose que ça, la passe, en vérité, parce qu'ils en font une espèce de protocole comme si c'était un examen, comme s'il fallait passer un examen. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. C'est justement la dimension subjective qui accouche enfin du sujet grâce aux deux modes de jouissance qui sont repérés entre le symptôme et le fantasme. Et cette fois, la passe, ça serait effectivement l'identification au symptôme lui-même. Voilà. Ça, c'est un travail de toute une vie. Enfin, en tout cas d'une grande partie de la vie. Et c'est pas un truc qui se fait administrativement, universitairement. C'est pas possible. Hein. C'est en ça que c'est absolument antagoniste à la logique psychologique. Puisque la psychanalyse, elle, c'est autre chose. Il y en a des gens qui sont qui disent qu'il faut sauver la psychanalyse. Mais la psychanalyse n'a pas à être sauvée. La psychanalyse, c'est un discours qui est beaucoup plus puissant que ceux qui prétendent vouloir la sauver. Il faut déjà qu'ils se mettent au service de ce discours-là. C'est déjà le minimum. Sauver la psychanalyse, il y a de quoi rigoler quand même, non ? Alors, bon, je vais revenir un petit peu en arrière en déplaçant un peu les choses. Bon, question posée, est-ce qu'il y a un savoir dans le réel ? Alors, du côté de la science, après tout, on va prendre l'exemple central chez Lacan, c'est que un jour, Newton, il découvre les lois de la gravitation. Hein ? C'est ça qui est très important. Il découvre les lois de la gravitation et on voit le retour de la pomme. La pomme d'Adam lui tombe dessus, comme s'il est sous un pommier. C'est le mythe de l'invention, de la découverte par Newton des lois de la gravitation. Alors, vous pensez bien qu'au moment où il a découvert ça, les gens étaient absolument terrifiés. Parce qu'ils se sont dit, mais alors, ces astres comme ça, comment peuvent-ils savoir à quelle distance ils sont les uns des autres ? Et probablement, le danger, c'est qu'ils vont nous tomber sur la gueule. Alors là, vous savez que Newton, il a eu chaud, hein, parce que l'Inquisition, tout ça, ils se sont remués quand il a sorti un truc comme ça. Alors ils ont inventé une histoire que, après tout, peut-être que Dieu, avec son doigt, de temps en temps, remettait les astres en ordre, en les replaçant, bon, tout ça. Alors, il paraît que Kant, à l'époque, quand il a vu ça, il était bouleversé d'horreur. Parce qu'il y avait un savoir dans le réel. Vous entendez ce que ça veut dire, un savoir dans le réel comme ça, qui ne dépend absolument pas de nous, qui est là. Hein, on serait là, il serait là. Bon, évidemment, nous, on dit qu'il y a un savoir, on essaye de l'articuler. C'est ça la science. La science, elle essaye d'observer la nature, et à force de l'observer et d'y mettre des formules, la nature est plus du tout aussi naturelle qu'on pourrait le croire. Hein. Elle n'a jamais été. Non, mais à la limite, on a pu penser qu'il y avait à l'origine la nature. Tous les hommes, depuis toujours, ils ont mis des signes dans le réel. Ils ont même mis des dieux. Les Grecs ont mis des dieux dans le réel pour expliquer les phénomènes qu'ils pouvaient voir, les météores, toutes ces choses-là, les tempêtes, les orages, enfin tout ce qu'on voudra, la foudre, toutes ces choses-là. Donc vous voyez, un savoir dans le réel. Et alors, Lacan, il dit la chose suivante, il dit, bon, il y a Newton, il dit, mais même si pareil, alors, bon, bien entendu, l'espace absolu, eh ben, si on parle de l'espace absolu, comme ça, d'ailleurs sans référence à la moindre chose de relative, ben, l'espace absolu, c'est Dieu. C'est pour ça que quand on touche à Dieu, dans nos régions, quand on touchait au savoir, on avait sur le paletot l'Église. Parce que quand on touchait à ça, on avait l'Église qui vous demandait des comptes. C'est pour ça que Descartes, quand il découvre son histoire de « je pense donc je suis », il dit « bon, le savoir, on l'articule logiquement, que ce soit vrai ou pas, ça dépend de Dieu. Dieu, 2 et 2, ça fait 4. » Parce que Dieu le veut. Comme ça, on pouvait lui foutre la paix, ce qui ne l'a pas empêché d'être obligé de quitter la France, parce qu'il avait effectivement l'Inquisition après lui. Arrive Einstein, il relativise la truc, hein, et il réintroduit la dimension, l'espace-temps, que le temps, c'est le temps, l'espace, les rapports, et de la masse, de la matière, à nouveau, bon, alors donc, on voit comment avec Newton on réintroduit la question de Dieu, et c'est pas par hasard qu'il y a le Dieu des savants, il existe. Le Dieu des savants, il revient toujours. Même chez Einstein, puisque finalement, en y compromettant la lumière avec la masse et l'accélération, la vitesse de la lumière avec la masse et le temps, il réintroduit quelque chose de l'ordre de la mousse religieuse, c'est le fiat lux. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la religion qui revient là. Prenons maintenant la théorie des quantas. La théorie des quantas, c'est le problème insoluble pour expliquer comment il peut y avoir conjonction d'une théorie ondulatoire et d'une théorie du corpuscule. Les grains de lumière par rapport à la théorie de l'ondulation. C'est très compliqué cette affaire-là, mais ce qui veut dire surtout, c'est que à chaque fois qu'elle avance, la science, elle avance parce qu'il y a le désir du savant. C'est lui qui colle dans le savoir, dans le réel, des formules qui changent au fur et à mesure où on fait des découvertes. Le dernier en date, c'est le fameux boson de Higgs. dont Étienne Klein, ce grand savant qui nous explique un peu tout ça, nous dit que il a fallu que le monsieur X en personne soutienne pendant presque 50 ans l'idée, parce qu'il l'avait découvert par des calculs, qu'il y avait une particule qui s'appelait le boson, et que c'est donc un fantasme, le fantasme de son propre désir, qu'il soutient de son propre désir, jusqu'au jour où, grâce à ce fameux cyclotron, comme ça, 50 ans après, qui a coûté des milliards de francs pour faire ça, on découvre que cette particule qu'il avait écrite par une formule théorique, donc c'était pas le cas, c'était pas le fruit d'une expérience, c'était d'abord une élaboration théorique, donc une élaboration fantasmatique, qui fait qu'on a découvert et que donc sa théorie était bonne. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Chaque fois, ça va être comme ça. Et Lacan, il retourne la situation parce qu'il dit qu'au fond, la science, c'est un fantasme. Elle est futile. Elle est futile, pourquoi ? Parce que ça fuit tout le temps. On ne peut jamais trouver l'élément premier. Alors, il pose la question, lui, est-ce que la psychanalyse peut introduire un savoir dans le réel ? Quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut bien faire attention, Freud, il n'a pas inventé l'inconscient, contrairement à ce qu'on raconte. Freud, il s'est trouvé devant des phénomènes qui existent depuis toujours et qui sont observables, que les gens y font des rêves, ils font des maux d'esprit, ils font des lapsus, des actes manqués, ils ont des symptômes, et que lui, il a inventé la méthode pour déchiffrer le sens de cette affaire-là. Talking cure, la cure par la parole. Le mot lui a été donné par une de ses patientes. Je crois que c'est Anao qui lui a donné ce mot. Et effectivement, c'est à partir de là que lui, il a inventé la méthode pour déchiffrer l'inconscient. Hein? Du coup, comment introduire des signifiants dans le réel ? Lacan, il part d'un truc très simple. Il dit, savoir dans le réel, ce n'est pas du tout ce dont il s'agit dans le savoir-faire de l'artisan. Ce n'est pas du tout ça. Parce que l'artisan, son savoir-faire, il l'a appris avec de quelqu'un, et il manie son objet avec des instruments qui sont déjà très élaborés, et lui, il fait des pots, par exemple, et il n'introduit aucun savoir dans le réel, il reproduit des pots, par contre, il a une jouissance de fabriquer des pots. Et c'est ça qui introduit dans le réel quelque chose de l'ordre d'un savoir, c'est-à-dire il y a un réel dans le savoir et on peut en parler, et c'est parce qu'on en parle qu'on peut en témoigner qu'effectivement on peut penser qu'il y a un savoir dans le réel qui est en train d'introduire la psychanalyse. La formule de Lacan est simple, il dit que ce qui est forclos du symbolique réapparaît dans le réel. Les hallucinations, par exemple, les hallucinations qu'entend le sujet fou, ce sont des signifiants qu'il entend dans le réel. Il est le seul à les entendre, mais il les entend quand même. Voilà des choses comme ça. Autre, Lacan le dit aussi, le réel c'est pas un tout, le réel c'est des bouts, on n'attrape que des bouts de réel, on n'atteint que des bouts de réel. Alors les bouts de réel dans la psychanalyse, il y en a plusieurs. Il y a par exemple ce qu'il appelle la résistance. Quand ça, la résistance du discours, on bute sur des... Il y a des points de butée, il y a des choses impossibles à dire, et là, c'est un bout de réel, c'est la castration, par exemple, une fente en gros. L'objet ptita, c'est un autre bout de réel. Et au fond, on a affaire à un réel en morceaux, un réel éclaté, et que à partir de là, on peut parler de peut-être que la psychanalyse introduit un savoir dans le réel, mais c'est pas prouvé encore. Voilà. Bon, peut-être pour finir sur ça et sur cette image, donc on a l'idée du flux des signifiants avec des îlots de réel. Là, on est dans un cas névrotique. L'inverse, c'est-à-dire une jouissance, une substance de jouissance sur lequel subsistent juste quelques îlots de symbolique, là, on est dans le cadre psychotique. Voilà. Les rapports entre jouissance réelle, symbolique. Peut-être on peut rester là pour cette fois et passer aux questions. On discute un petit peu là. Oui. On a une petite demi-heure. Moi, je dois vous dire que ça, pour moi, cette séance-là a été très difficile à préparer parce qu'il a fallu que je remue une littérature analytique à déborder. Ça déborde de partout. Tout le monde écrit là-dessus. Les gens, comprenez, ils inventent. Ils font une différence entre l'inconscient structuré comme un langage et ils disent l'inconscient réel. Il y a deux inconscients. Alors que Lacan, il a toujours dit qu'il y a un inconscient, l'inconscient structuré comme un langage. Et que d'autre part, il dit que, d'ailleurs, je n'ai qu'un inconscient, tout à fait à la fin, je n'ai qu'un inconscient, et c'est pour ça que j'y pense jour et nuit. Comme dirait un ami commun, il n'y a qu'un inconscient, et le désir est son prophète. Et le désir est son prophète. Et son prophète. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis en train d'en... L'effet que me fait, effectivement, le travail de ce séminaire m'amène à essayer de débroussailler des choses qui sont difficiles à manier. Quoi. Je les ai un peu introduits comme ça, un peu vite aujourd'hui, mais je compte m'y attacher jusqu'à la fin pour donner des éclairages plus saisissables. Hein. Oui, de toute façon, on va y revenir, parce qu'on a juste à peine survolé ça. Le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque. Voilà, ça, rien que cette phrase-là, qui est très claire, en fait, mais il faut la réarticuler avec celle d'avant, du sujet supposé savoir, de la jouissance qui accroche la parole au corps. Donc il vient la langue à ce moment-là, l'objet petit a, la création, tout ça est très clair, c'est tellement simple, mais c'est nous qui sommes compliqués. C'est pour ça qu'on n'arrive pas avec les complications et puis toute cette éducation débile qu'on a reçue à entrer dans le simple là, parce que là c'est quelque chose de simple, ça parle de chacun de nous. Voilà, et si on entend ça, déjà il y a quelque chose qui peut se passer. C'est dense, hein. C'est magnifique. C'est je dirais le jardin végétal, le paradis végétal. Quand on arrive à ne plus, enfin, quand on arrive à arrêter avec ce monde animal et qu'on passe vers ce jardin paradisiaque, je suis ici et je suis devant la lumière. Ah bon? Mais comme vous dites, c'est compliqué d'articuler tout ça. Il y a tout, mais on est bête. Mais en même temps, non, pas bête, parce que c'est un parcours. Si, bête aussi, oui. Enfin, bête aussi. Ouais, ouais. Faut le dire, hein. C'est quand même sacrée couche d'idiotie en nous. Hein. Mais... costaud à résoudre, hein. Surtout chez ceux qui se croient très intelligents, c'est là où l'idiotie est vraiment la plus manifeste. Hein. Et Gabor Onfray, par exemple, il croit qu'il est très intelligent. C'est dur aussi d'atteindre cette lumière que. En fait, c'est dur, voilà, c'est ça. Ils ont peur, ben oui. Parce que c'est vrai que ce corps à corps, de ce petit bout, ces petits bouts de réel, et puis à un moment donné, quand on le touche, ah, ça fait quelque chose au corps. Hein. Donc, on ne peut pas apprendre autrement qu'à ses dépens. Hein, en traversant l'expérience, le sujet, c'est que ça. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu dire la différence aussi entre aujourd'hui. Bon, il faut qu'il y en ait des institutions, il y a des institutions partout, mais c'est pas là que ça peut se passer, la psychanalyse, puisque ce n'est plus de la parole, puisqu'il n'y a plus de contingence. Ce sont des leçons qui sont données, donc c'est des textes qui sont produits, des milliards de textes. L'humanité s'est mise à produire des milliards et des milliards de textes maintenant. Mais c'est pas là que ça se passe. Il y a très peu de disciplines. C'est la seule discipline de la parole, où la parole elle-même est convoquée dans sa contingence. Sa contingence, ça veut dire là où elle se trompe, là où elle se trouve, là où elle rend compte de ma propre bêtise. Voilà. Et ça n'a plus lieu d'être, puisqu'il y a des professeurs qui donnent des leçons à tout le monde, qui dirigent des entreprises commerciales. C'est du commerce. Ce n'est plus du tout une dimension où il y a vraiment du sujet. c'est-à-dire où il y a la possibilité de se tromper, d'être ensemble, de se tromper. C'est, on est dans la volonté de maîtrise d'une communication, alors que la communication, c'est rien d'autre qu'un malentendu réussi. Ça veut dire que chacun croit quelque chose que l'autre ne sait pas lui-même qu'il croit. Il y a beaucoup d'exemples sur ça. C'est très intéressant. Donc ça marche parce que chacun dans son truc croit quelque chose de l'autre, mais qui n'est pas du tout ça. C'est ça une communication réussie. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication, puisque tout est basé sur le matériel numérique, qui est un matériel de communication. Donc il faut revoir Lacan à Louvain sur la communication, c'est très instructif. Ça fait rire tout le monde. Bon, vous n'avez pas de questions aujourd'hui ? Peut-être c'est week-end de vacances. C'était trop dense peut-être. Hein ? Ben, vous faites l'expérience, effectivement, de ce que c'est que ces petits bouts de réel, c'est-à-dire que c'est éclaté, quoi. Ce n'est plus un discours qui résonne et qui peut serrer les choses et qui peut bien les organiser. Ça, c'est le discours universitaire. Nous, ça devient, et pour moi en tout cas, ça devient des bouts de réel que je reprends et qui font question pour moi. Hein. Qu'est-ce que c'est que le savoir dans le réel? Je ne peux même pas imaginer ce que peut être le savoir dans le réel de la science, puisque la science, elle me propose un discours qui est son fantasme, qui est un fantasme. Dites aux scientifiques que la science est un fantasme, ils sautent au plafond. Hein. Quand on leur dit un truc comme ça, ils disent « mais vous êtes des cinglés ou quoi ?» Non, mais ça ne va pas. Nous, c'est le réel. Pas du tout. Le biologique, c'est pas le réel. Mais parce qu'il fait abstraction de son propre sujet. Oui, oui. C'est-à-dire c'est comme si il y avait une position de neutre possible qui existait sur Terre. Ce qu'on appelle l'objectivité. Ça n'existe pas. L'objectivité, elle dépend des appareils avec lesquels on explore ce qu'on appelle le réel. Or, le réel, plus on s'en approche, avec les appareils de plus en plus perfectionnés, et plus ça se disperse en bout de réel. Le seul endroit où, finalement, on arrive à l'attraper, c'est qu'une structure se constitue dans la rencontre entre la langue et le corps vivant. Et à ce moment-là, il y a une structure que l'on ne peut pas écrire d'ailleurs, hein, on ne peut pas l'écrire, mais dont qu'on saisit par les effets qu'elle produit de répétition et par les formations qu'elle produit. Symptômes, inconscients, des choses comme ça. Lacan, il s'est heurté à ce problème de la structure, parce qu'au début, il a pris la structure que lui donnait, parce qu'il n'avait pas autre chose sous la main, il a pris la structure de Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, il a utilisé le terme, mais déjà, la structure chez Lacan, c'est pas ça. Mais enfin, il est obligé de chercher des appuis hein, pour trouver ce truc-là. Parce que chez Lévi-Strauss, les structures sont fermées, en gros. On peut dire ça comme ça. C'est des structures fermées, c'est quasiment une mathématique implacable. C'est pour ça d'ailleurs que. C'est surtout qu'elle fonctionne sans sujet. Elle fonctionne sans sujet en plus. Donc c'est fermé. Lacan, il lui dit une chose qui le fait hurler. Il dit oui, mais les ethnologues, là, vous envoyez sur le terrain, ils devraient faire une analyse avant. Parce que si au moins ils savaient que l'inconscient existe, ils s'apercevraient que quand ils parlent avec leurs informateurs ou leurs informatrices en particulier, peut-être qu'ils se rendraient compte que ce qu'elles leur racontent, elles sont en train de lui compter fleurette, quoi. En gros, de les baratiner pour les séduire éventuellement. Des choses comme ça. Hein. Alors, tout son parcours, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas une élaboration, disons, au sens d'une herméneutique, d'une compréhension. C'est pour ça que Lacan dit, ne comprenez pas trop vite, parce que si vous comprenez, vous êtes compris dedans. Et si vous êtes compris dedans, vous êtes foutu, vous ne pouvez pas vous situer un peu à l'extérieur pour pouvoir appréhender un objet. Il faut qu'un objet soit toujours un peu en dehors, de façon à pouvoir le manier, comme un instrument. Hein, comme on le manipule, parce qu'on a l'instrument du langage, déjà. Hein. Alors, il les a développés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inconscient? Parce que le terme en soi, il n'est pas bon, le terme en soi, parce que tout ce qui est inconscient, tout ce que nous ne savons pas, tout ce qui est méconnu et non su, c'est pas l'inconscient qu'appréhende la psychanalyse. C'est l'insu, l'insu du réel, c'est pas forcément un inconscient réel. Hein. L'histoire de la gravitation des astres, on sait d'ailleurs que la Terre tourne, enfin, que les astres ne tournent pas, ils tombent. Hein, des choses comme ça. On sait que l'accélération des astres permet de calculer le Big Bang, donc à quel moment il se serait produit. On parle des trous noirs, on découvre constamment des choses qui nous c'est impensable autrement que par un outil mathématique. Alors, à la différence du réel de la science, qui est en fait, et ça ils ne veulent pas l'entendre bien sûr, qui est un réel de discours, donc l'ordre du fantasme, c'est un semblant, il n'y a pas de discours qui ne soit pas du semblant. C'est du semblant aussi. C'est pour ça que là on dit que la science est futile au sens où ça fuite partout. Hein? De temps en temps ils ramassent un petit bout. Mais ils n'osent pas dire que c'est un petit bout qu'ils ont ramassé. Parce qu'ils continuent leur réductionnisme, ils vont à la particule, et puis ensuite ils vont aux particules des particules, et ensuite à l'élément, le boson, les neutrons, toutes ces choses-là. Bon. Lacan, lui, retourne la situation et il dit qu'au fond, le réel que nous appréhendons, par exemple, dans le symptôme, la jouissance, il dit que c'est un réel qui brûle. Donc c'est un masque du réel, il le dit carrément. Parce qu'il dit que le réel, si vraiment ce réel, comme il peut le définir, il dit que c'est un réel pur. Qu'est-ce que ça veut dire un réel pur? Il dit que c'est un feu froid, lui. Et il donne comme modèle le discours d'un mathématique. Il dit seuls les mathématiciens, je ne parle pas des professeurs de mathématiques, moi, hein. Je ne parle pas des types qui sortent de Polytechnique et qui disent qu'ils sont bons en mathématiques. Je parle des vrais mathématiciens qui ont ça dans chevillé au corps, chevillé, c'est leur désir qui est pris en jeu là. Il dit seuls les mathématiciens peuvent jouir de ce réel. Et il pose la question, est-ce que la mathématique ne serait pas un symptôme? Ça, on ne lui a pas répondu. On aurait pu essayer de lui donner une réponse pour l'aider à avancer un peu plus. Donc il a une conception du réel qui est vraiment l'impossible absolu, hein, qu'on ne peut, dès qu'on le représente, c'est un mensonge, c'est faux parce que ça se déplace. Donc on peut appréhender quand même des petits bouts. Alors, la cure, elle se termine, par exemple, au début. Il faut bien que ça se termine, cette cure, sinon ça peut, le déchiffrage, ça peut, c'est sans arrêt, ça peut continuer, on peut faire du déchiffrage toute sa vie. Faut que ça, alors, première fin de cure, au début de son enseignement, il n'avait pas encore sorti l'histoire de « il n'y a pas de rapport sexuel », qui est déjà un terme absolument diabolique, hein, faut dire ça comme c'est. Il dit que le désir, il n'y a pas le sujet divisé, le désir c'est un désir de reconnaissance dont le premier objet est le signifiant. Donc, l'analysant il vient avec une parole vide, il raconte n'importe quoi, et puis petit à petit, ça va être de plus en plus consistant, puis il va avoir une parole pleine, et donc il va se réconcilier, c'est une réconciliation, et la cure se termine dans une espèce de réconciliation du sujet avec son inconscient. La première mouture. Il balance tout ça, et puis il dit non, ça colle pas. Il cherche une autre structure, donc l'inconscient structuré comme un langage. C'est à ce moment-là qu'il développe surtout cette affaire-là. Comment le figurer, comment le représenter, comment l'écrire? Parce qu'au fond, on peut peut-être attraper le réel par des bouts d'écrit, au moins le cerner par des bouts d'écrit, comme le fait la science. Les petits bouts d'écriture. L'homme de Lascaux, au fond de sa grotte, quand il fait ses peintures rupestres, on croit que c'est des images, mais non, c'est un discours. C'est vachement élaboré, c'est une construction que l'homme des cavernes, comme on l'appelle, c'est une construction qui y a un discours là-dedans. C'est pas simplement des représentations, les courbures des animaux, la stylisation, montrent bien qu'il s'agit d'écriture dans une civilisation qui était sans écriture comme on la conçoit actuellement. Il y a toujours eu de l'écriture. Les hommes, ils ont toujours fait des petits graphismes, et quand ils ne pouvaient pas les faire sur des objets, ils se les faisaient sur le corps, ils se faisaient des tatouages, ils se faisaient des scarifications, qui étaient des morceaux d'écriture pour attraper un bout de réel. Sinon, on n'a pas d'identité. Parce que l'avantage du réel, c'est qu'il revient toujours à la même place. C'est ce que faisaient les anciens quand ils regardaient les astres. Au moins, les étoiles revenaient toujours à la même place. C'était pour les navigateurs une possibilité de se repérer dans l'espace et dans le temps. Parce que quand même, les saisons étaient là, ça permettait d'avoir un repérage. Et puis petit à petit, ben, c'est pas, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait. Le réel, il est plus tombé du ciel, il est tombé du discours. À partir du moment où les savants, dont Galilée s'est mis à mettre des petit a, petit b, petit c, ou même Aristote, pour décrire la nature, on s'est aperçu que le réel revient toujours à la même place dans la logique d'un discours. Donc le réel tient à la logique et au rationnel. Tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Ça, c'est la définition reprise par Hegel, hein, c'est ça. Bon. Mais, alors, Lacan, il va aller plus loin parce qu'il ne va pas parler de ça, il va dire que justement, le réel, il répond jamais. Le réel pur, il répond pas. Il est insaisissable, on ne peut pas l'écrire, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est définitif. Il essaye d'attraper ce réel structuré comme un langage par des réseaux. Vous savez, ces réseaux que vous voyez dans la lettre volée, alpha, petit bêta, tout ça, il fait des cycles comme ça, et il montre que quand on fait tourner ça, les points reviennent toujours au même endroit. Un langage se constitue dès qu'il y a l'accumulation d'un certain nombre de signes. Vous mettez une croix et un plus et un moins, et vous avez le langage, un premier bout de langage dans l'informatique. Il suffit d'aligner les 26 lettres de l'alphabet par des petites croix et des moins et des trucs, on arrive à écrire avec les... C'est comme ça que ça fonctionne un ordinateur. Hein. C'est des logiciels qui font des calculs. C'est des machines à calculer qui finissent par... C'est pour ça qu'on peut écrire des lettres. Donc on peut donner des formes de typographie différentes, des couleurs, tout ça. Ça fonctionne comme ça. Réseau, ça suffit pas. Graphe du désir, ça suffit pas. Il passe aux objets pour définir la structure langagière saussurienne, signifiant, signifié, qui passe aux objets meubiens, la bande de Mébus. Le signifiant à l'endroit et à l'envers de l'endroit, le signifié. Mais quand on parcourt toute la bande, le signifiant et le signifié, on passe du signifiant au signifié et du signifié au signifiant. Voyez, c'est un petit progrès dans l'appréhension du réel. Et puis si on coupe au milieu, voilà, on a la coupure. Quand on parle, c'est qu'on coupe au milieu, on a le sujet. Le sujet, on ne l'attrape jamais, puisque dès que c'est coupé, on obtient deux ronds qui sont différents. L'un est meubien et l'autre est un biface. Voilà, des choses. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est le fait d'interpréter, hein? Le parler qui fait coupure. Hein? C'est le fait d'interpréter la parole. Oui, c'est pour ça que je dis que la parole et que jouer de l'équivoque, ça permet de toucher au réel parce qu'on joue sur le non-sens de l'équivoque. Alors Lacan, il en donne un exemple à la fin, il dit par exemple, les noms du Père, comme il écrit les noms du Père, le Père, hein, et les noms du Père. Déjà dans la modulation de ma voix, vous sentez que je dis quelque chose de différent, hein, ça s'écrit de façon différente. Ben, c'est parce que ça c'est écrit que, alors que c'est le même savoir, vous voyez, c'est le même savoir, ça n'a pas le même sens. Donc, le sujet des noms du Père et le sujet des noms du Père, ce qui erre, en gros, c'est pas le même. Vous voyez, ça déchiffrage comme ça. Ça suffit pas, et c'est pour ça qu'il introduit, alors le truc qui lui va, comme il dit, bague au doigt, ce fameux nœud borroméen. Le nœud borroméen lui permet de conjuguer ce qu'il a découvert, il en parle ici depuis le début, ce qu'il a découvert depuis le début, les catégories de l'imaginaire, du réel et du symbolique. Ils sont des catégories absolument hétérogènes, mais qui ont l'avantage de se nouer en un nœud particulier, qui est le nœud borroméen à 3, et qui est un nœud réel. C'est-à-dire qu'on peut le montrer, on fait un nœud, on peut le montrer. Donc on peut manier un bout de réel avec le nœud borroméen. Hein, puisque il a cette propriété que dès qu'on coupe un rond, le nœud se défait. Hein. Voilà. Question posée. Est-ce que chez l'enfant, est-ce que le nœud, disons, dans la constitution que je vous ai donnée tout à l'heure de l'enfant qui entre à partir de son labile dans la langue, puis dans les langues et dans le langage, est-ce que ce nœud est constitué au début et que le symptôme qui en résulte est implicite, le quatrième rond, il est implicite dans les trois, et ça c'est une question qui va aller jusqu'à la fin, ou est-ce qu'au contraire, il faut un quatrième rond pour nouer les trois d'origine, réel, imaginaire et symbolique. Et il dit que ça, il n'a pas la solution, ce truc-là. Il n'arrive pas à résoudre ça, parce qu'il dit que c'est une question mathématique et que lui, il ne l'a pas, la réponse. Mais vous voyez comment, même avec cette histoire-là, il est en difficulté, Lacan. Parce qu'il n'est pas dupe, lui, que le réel qu'il attrape avec ces catégories-là et ces nominations-là, c'est quand même un réellement symbolique. Hein, c'est un réellement symbolique. L'inconscient, c'est un réellement symbolique. C'est difficile à piger, ça. Hein. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est un réellement symbolique, alors que le symptôme, c'est un symboliquement réel, puisque c'est le symbolique qui vient mordre sur le réel. C'est un symboliquement réel. Tout ça, c'est des choses qui... Vous voyez comment il interroge, c'est comme c'est difficile de manier ces catégories-là, hein, c'est très difficile de manier tout ça. Et c'est pour ça qu'il sort son histoire de pur réel. Est-ce que c'est un fantasme, ça? Après tout, c'est peut-être un fantasme, peut-être qu'il n'y en a pas de pur réel, on n'en sait rien. Hein? Puisque la seule façon de repérer ce réel-là, ça serait l'impossible. Toujours l'impossible. On bute sur cet impossible. Donc on n'atteint qu'à des bouts de réel. Alors, il y a des conséquences dans la cure, cette histoire de réel comme ça. C'est que la direction de la cure, il y a des analystes qui vous disent, bon, il faut aller vers le réel, il faut orienter la cure vers le réel, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des analystes qui pensent qu'ils doivent orienter le sujet qui parle vers le réel. On ne sait pas ce que c'est que le réel, mais eux, ils ont l'air de le savoir. Hein. Vous voyez le truc que ça donne? Ça donne ce qu'étaient, avant cette histoire-là, les gens qui font des diagnostics sur leurs patients et qui disent, comme elle est hystérique, il faut lui interpréter que ce qui lui arrive, c'est par rapport à son père et à sa mère, et que l'obsessionnel, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, c'est une direction de la cure qui est en fait une maîtrise, quoi. C'est une position, pas d'analyste, mais une position de maître. Tandis que Lacan, il dit que non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de s'orienter vers le réel, mais on est orienté par le réel. Par le réel. Ça veut dire que dans la cure, on bute sur des points de réel qui sont impossibles à dire. Et il y a un impossible à dire radical qui est tout à fait surprenant, c'est le désir. Le désir est impossible à dire. Par contre, la jouissance, on peut en parler. Pourquoi? Parce que chacun sait qu'il éprouve une jouissance. Et il sait que la jouissance, c'est quelque chose de réel. Et qu'on peut arriver à mettre des mots dessus. Pas toujours très satisfaisant, mais quand même, les poètes, les littérateurs, les gens peuvent arriver à faire apparaître cette espèce de jouissance que véhicule la langue et qui est un savoir dans le réel. Voilà, des choses comme ça que l'on explore. Hein. Voilà, je sais pas, j'ai peut-être un peu trop parlé là. J'ai dépassé. Ah, c'est l'heure. C'est limite. Pour toi, c'est limite. Bon. Encore une limite. Hein? Encore une limite. Sans limite, il n'y a pas d'art. C'est vrai. Bon, on s'arrête là, et puis on tâchera de recerner un peu mieux les choses la prochaine fois.